Emma avait lu Paul et Virginie, et elle avait rêvé la maisonnette de bambou, le nègre Domingo, le chien fidèle, mais surtout l'amitié douce de quelques bons petits frères qui va chercher pour vous des fruits rouges dans des arbres plus hauts que des clochers, ou qui court pieds nus sur le sable, vous apportant un nid d'oiseaux. Lorsqu'elle eut 13 ans, son père l'amena lui-même à la ville pour la mettre au couvent. Ils descendirent dans une auberge, à Rouen, où ils eurent à leur souper des assiettes peintes qui représentaient l'histoire de Mademoiselle de la Vallière, favorite de Louis XIV, qui entra ensuite chez les Carmélites. Les explications légendaires, coupées çà et là, par les gratinures des couteaux, glorifiaient toutes la religion, les délicatesses de cœur et les pompes de la cour. Loin de s'ennuyer au couvent les premiers temps, elle se plut dans la société des bonnes sœurs qui, pour l'amuser, la conduisait dans la chapelle, où l'on pénétrait du réfectoire par un long corridor. Elle jouait fort peu durant la création, comprenait bien le catéchisme, et c'est elle qui répondait toujours à monsieur le vicaire dans les questions difficiles. Vivant donc, sans jamais sortir, de la tiède atmosphère des classes, et parmi ces femmes au teint blanc, portant des chapelets à croix de cuivre, elle s'assoupit doucement à la langueur mystique qui s'exhale des parfums de l'autel, de la fraîcheur des bénitiers et du rayonnement des cierges. Au lieu de suivre la messe, elle regardait dans son livre les vignettes pieuses bordées d'azur et elle aimait la brebis malade, le Sacré-Cœur percé de flèches aiguës ou le pauvre Jésus qui tombe en marchant sur sa croix. Elle essaya, par mortification, de rester tout un jour sans manger. Elle cherchait dans sa tête quelques vœux à accomplir. Quand elle allait à confesse, elle inventait des petits péchés afin de rester là le plus longtemps, à genoux dans l'ombre, les mains jointes, le visage à la grille, sous le chuchotement du prêtre. Les comparaisons de fiancés, d'époux, d'amants célestes et de mariage éternel qui reviennent dans les sermons lui soulevaient au fond de l'âme des douceurs inattendues. Le soir, avant la prière, on faisait dans l'étude une lecture religieuse. C'était pendant la semaine quelques résumés d'histoire sainte ou des conférences de l'abbé Frayssinous et le dimanche des passages du génie du christianisme par écration. Comme elle écouta, les premières fois, la lamentation sonore des mélancoliques romantiques se répétant à tous les échos de la terre et de l'éternité. Si son enfance se fût écoulée dans l'arrière-boutique d'un quartier marchand, elle se serait peut-être ouverte alors aux envahissements lyriques de la nature qui d'ordinaire ne nous arrivent que par la traduction des écrivains. Mais elle connaissait trop la campagne. Elle savait le bêlement des troupeaux, les laitages, les charrues. Habituée aux aspects calmes, elle se tournait au contraire vers les accidentés. Elle n'aimait la mer qu'à cause de ses tempêtes, et la verdure seulement lorsqu'elle était clairsemée parmi les ruines. Il fallait qu'elle pût retirer des choses, une sorte de profit personnel. Elle rejetait comme inutile tout ce qui ne contribuait pas à la consommation immédiate de son cœur, étant de tempérament plus sentimental qu'artiste, cherchant des émotions et non des paysages.